Je suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73, 28. Bonne condition d'écoute. Seigneur, et vous transmets aussi les salutations de mon épouse, Pasteur Rosette. Merci de les accueillir. Alléluia. Mon alliance avec Dieu en tout point bien réglée. Bien réglé. Savez-vous, frères et sœurs, que tout ce qui est bien réglé réussit toujours. Plus fort quand il s'agit de l'alliance. Pas avec n'importe qui, pas avec les États-Unis, pas avec l'Allemagne, mais avec Yahweh, le Dieu Tout-Puissant. Alliance avec le Créateur. Alliance avec notre source. Alliance avec notre concepteur. Alliance. Et lorsque notre alliance avec lui est en tout point bien réglée, attendez-vous à la suite. Alléluia. Et durant ces deux semaines, nous allons aborder six chapitres. Le premier, nous allons essayer de comprendre l'essence d'une destinée réussie. Ensuite, nous parlerons de ce qui arrive quand Dieu entre en alliance avec un homme. Et troisièmement, les vertus des alliances avec l'Éternel. Et quatrièmement, comment se maintenir dans une alliance avec Dieu. Et nous verrons les facteurs de réussite de la destinée de David. Et on terminera par une certaine rétrospection sur une vie réussie. Alléluia. Alléluia. Et le dimanche dernier, je vous ai annoncé quelques idées sur le programme. C'est-à-dire, pourquoi les grâces insondables en décembre? Parce que c'est le temps de l'auto-évaluation ou du bilan de ce qu'a été notre parcours de 2021. Et chaque année, comment était notre parcours dans la vie spirituelle, dans la vie familiale, dans la vie ministérielle, dans la profession? Comment nous avons marché? Et quelles ont été les grandes vérités que nous avons retenues durant l'année? Beaucoup d'enseignements, eau profonde, tournant décisif, COGEC, etc., convention des hommes, qu'est-ce que j'ai retenu? Et qu'est-ce que ces vérités ont apporté dans ma vie ou dans mon parcours? Quel impact de tout ce que j'ai appris? Nous réfléchissons sur ces choses-là. Également, quelle a été la dimension d'élévation que j'ai connue? Et à ce stade, quel est le gap? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que je dois... Quel est le pas que je dois poser? Et nous disions que durant ces deux semaines, nous serons en train de prier. C'est un temps de prière intense, nuit et jour, pour l'année 2022. Et vous savez, nous avons prévu ce matériel pour que tu apportes tes requêtes et tu mettes dedans. Parce que chaque jour, nous allons porter ça devant le trône. Mais n'oublie pas de mettre une bonne introduction à tes requêtes. Vous savez quoi, cette bonne introduction, ce sont les reconnaissances pour l'année. C'est ça l'introduction. Seigneur, merci pour ceci. Seigneur, tu as fait cela. Seigneur, tu as réalisé ceci. Merci, je suis reconnaissant. Ensuite, les requêtes 2022 peuvent maintenant suivre. Alléluia. Il est écrit à l'Éternel, offre la reconnaissance. Si chaque jour, quand nous apparaissons devant le trône de Dieu, nous n'avons que requêtes, Dieu va s'étonner de nous. Il va s'étonner. Et ça peut même bloquer le processus. Mais quand nous sommes reconnaissants, alors Dieu comprend que nous comprenons. Il comprend que nous sommes instruits. Et il comprend que nous sommes prêts à recevoir la suite. Alléluia. Qu'est-ce que je voudrais que Dieu fasse pour moi en 2022? Et quelle est la liste des requêtes que je vais porter devant le trône durant les grâces insondables pour mon avenir. Il ne s'agit pas seulement de 2022, mais aussi 2022 et après, c'est-à-dire et après mon avenir, ma destinée. Alors, ce programme intéresse quelques catégories de personnes, notamment celui qui, après élévation multiple, se dit, j'ai encore un parcours. J'ai été élevé, mais je sens que j'ai encore un parcours. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois retenir? Si j'ai encore un parcours, alors je fais quoi? J'entre en prière. Je cherche la face de Dieu. Je cherche le Seigneur. Qu'il me donne des orientations. Qu'il me dise quel est le pas suivant. Et il est écrit dans Ésaïe 30, 21. Tes oreilles entendront derrière toi cette voix qui dira, voici le chemin, marchez-y quand il faut aller à gauche ou quand il faut aller à droite. La deuxième catégorie, c'est cette personne qui dit, je sens que les attentes de Dieu sur ma vie deviennent plus vivaces. Et comment vais-je répondre à l'Éternel alors? Dieu attend beaucoup de moi. Jésus dit à ses disciples dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera des plus grandes, parce que je vais au Père. Seigneur, si tu as des attentes sur moi, alors je suis prêt. Et je crois. Je te crois. Tu as dit que je ferai des plus grandes. Merci pour ce que j'ai déjà vécu, ce que j'ai déjà expérimenté. alors je crois qu'il y a encore davantage, qu'il y a plus que je veux faire. Et j'expose mon cœur à toi. La troisième catégorie des personnes, c'est celui-là qui dit, j'ai pris conscience que plus on a reçu, plus on est redevable. Alors comment je vais faire pour convertir tout ce que j'ai reçu en bénédiction, en solution, en ressource dans ma génération? Pourquoi je l'ai reçu? Seigneur, pourquoi tu m'as béni? Et comment j'ai fait? Comment je rentabilise tout le dépôt que j'ai reçu du Seigneur? Et Dieu dit à Moïse au Sinaï, dans Deutéronome 1:6, vous avez longtemps traîné ici, autour de cette montagne. Levez-vous et partez. Écoutez, lève-toi et marche. Marche, avance. Il se pourrait que tu aies de la quatrième catégorie. Celui qui dit, je n'ai pas connu d'élévation. Voici l'année se termine. Même un peu, ni mono, ni multiple élévation. Qu'est-ce que je dois continuer à croire? Y a-t-il à croire encore? Je n'ai rien connu. Alléluia. Rappelle-toi, si c'est ça ton cas, il est écrit dans Ésaïe 44, verset 26, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Si ça traîne, attends. Dieu est engagé avec ses envoyés. Dieu est engagé avec son serviteur. Et les paroles de sa bouche sont vérité. Elles sont vérité. Alléluia. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 50, il est chapitre 30, verset 18 à 20, voici ce que Dieu te dit. Toi qui es dans cette situation, tu peux le regarder avec moi. Verset 18, on peut le lire ensemble. On peut y aller 1, 2, 3. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se levera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Il t'exaucera, frère. Ma fille, il t'exaucera. Dès qu'il aura entendu. Ça veut dire continue à parler. Continue à l'appeler. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Et tu ne pleureras plus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Seigneur, je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus pleurer, Seigneur. Seigneur, je ne veux plus pleurer. Non, je refuse de pleurer parce que tu promets que je ne pleurerai plus. Dans quel domaine tu pleures? Tu attends quoi? Le mariage peut-être, la guérison, une intervention spéciale de Dieu. Tu attends une élévation, tu as raison. Dieu te dit ce matin, du 5 décembre, tu ne pleureras pas. Et les paroles de sa bouche sont vérité. Alléluia. Alléluia. Durant ces deux semaines, frères et sœurs, Dieu veut agir dans deux grandes directions. La première, dans notre vie, il veut construire un homme. Parce que en fait, Vous savez, si Dieu doit donner des choses à des personnes non construites, ça conduit à la catastrophe. Regardez tous ces gens à qui on remet des armes et qui ne sont pas construites. Ils deviennent une catastrophe pour la société. Qu'importe comment tu remets des armes, en vol ou en tricherie. Et Dieu, lorsqu'il te donnerait autant de bénédictions, autant de grâces, autant de dons spirituels, si tu n'es pas construit, tu vas utiliser ces mêmes dons pour ruiner le royaume de Dieu, pour détruire. Alléluia. Durant ces deux semaines, Dieu veut nous construire afin de nous rendre producteurs et dispensateurs des mystères de Dieu, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 4, 2. On nous regarde comme des dispensateurs des mystères de Dieu, des serviteurs de Christ, des distributeurs. Dispenser signifie distribuer. Des dispensateurs, des mystères de Dieu. La deuxième chose, c'est que Dieu veut s'assurer qu'avant la fin de ces deux semaines, il fait de toi un producteur, un distributeur effectif. Alléluia. Alléluia. Et dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, il est écrit que nous sommes des dispensateurs des grâces de Dieu. Des grâces de Dieu. Des grâces de Dieu. Paul, l'apôtre, a compris cela, dit dans Romains, chapitre 1, verset 11. Il dit, je veux venir chez vous afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Posons-lui la question, Paul, elles sont où les dons spirituels? Tu les gardes dans la poche? Tu as ça où? Tu veux les distribuer? Paul a compris, je suis dispensateur des grâces de Dieu. Les dons spirituels, ce sont des mystères de Dieu. Je veux venir chez vous afin de vous distribuer les dons spirituels qu'à partir de ce matin, il vous soit donné de recevoir cette distribution à partir de ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que Pierre, l'apôtre, avait compris également dans Actes 3, 5, quand il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Durant ces deux semaines, tu es venu dans un atelier où tu apprends à devenir ces distributeurs-là. Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes prêts. Seigneur, si je dois être distributeur, je vais avoir où ce que je vais distribuer? Comment on obtient ce que l'on va distribuer? On obtient ça à genoux. Deux semaines de prières et de jeûnes pour recevoir en effet. Recevoir. Et les attentes profondes, bien-aimés, pour ces deux semaines auxquelles nous voulons arriver, c'est que notre destinée soit pleinement la manifestation de la divinité sur la terre. Écoutez-moi bien, ta destinée devienne ce qui manifeste la divinité de Dieu sur la terre. Que ma destinée devienne le moyen par lequel les êtres humains, les créatures, touchent, palpent la divinité de Dieu sur la terre. Regarde ton voisin, dis-lui, regarde-moi bien. À partir de maintenant, tu vas commencer à palper la divinité. Dis-lui avec assurance. et que Dieu vous l'accorde. Au nom de Jésus-Christ. Durant ces deux semaines, prie. Demande à Dieu, je veux que ma destinée devienne un canal, un moyen, un matériel que tu utilises pour te faire connaître sur la terre, que tu utilises pour te révéler. Si la création soupire et attend la manifestation des fils, mais voici. La manifestation des filles de Dieu, mais voici Seigneur. Décharge-toi à moi-même. Vous voyez cette prière? Décharge-toi en moi-même. Viens en moi dans ta plénitude. Viens en moi dans ta totalité. Le monde t'attend. Tu veux, et c'est ça ton rêve, que le monde te connaisse. Mais voici, Seigneur, instrument, je suis prêt. Et ça, ça demande de la ténacité dans la prière. Et c'est ce que nous serons en train de faire. Nuit et jour, nous serons ici le matin à 6 heures pour prier. Nous sommes à jeûne et prière. Si tu as le temps, tu viens la journée, tu passes la journée. Et à 15 heures, nous sommes là. Nous écoutons la parole. Nous prions ensemble. Nous prions sérieusement. La deuxième attente profonde, c'est d'apprendre l'apport de l'alliance avec Dieu dans mon besoin de devenir l'expression de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne durant mon séjour sur la terre. Comment l'alliance que je veux avoir avec Dieu viendra en contribution pour que je devienne l'expression de la gloire de Dieu, que je devienne l'empreinte, le cachet de la personne de Dieu sur la terre. Et troisième attente profonde, c'est l'apport de l'alliance pour que la réussite de ma vie soit à tout point réglée. Comment l'alliance vient dans ma vie pour que les aspects de ma vie réussissent. Que ma vie réussisse. Alléluia. Que la sécurité, que la plénitude de Dieu, grâce à l'alliance que je voudrais développer ou que je voudrais commencer. Certains n'ont pas peut-être compris cette réalité. Même quand il y a Archois et que nous lisons chaque matin, je suis en alliance avec mon Dieu. Peut-être toi, ça ne te dit encore rien. Ces deux semaines, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Et cet apport de l'alliance pour que la réussite de ma vie dans le ministère soit appuyée par une alliance bien réglée. Que ma vie spirituelle réussisse grâce à l'alliance bien réglée. Ma famille, que ce que l'on appelle onction dans ma vie soit bien réglé grâce à l'alliance. Ce que l'on appelle vision, bien réglé grâce à l'alliance. Profession, engagement avec Dieu, bien réglé grâce à l'alliance. Et je vous ai dit, quand quelque chose est bien réglé, elle offre toujours pleine sécurité. Vous pouvez donc, à partir de maintenant, commencer à expérimenter pleine sécurité dans les différents aspects de votre vie. Et je prie que Dieu l'accorde à chacun de vous durant ces deux semaines. Alléluia. Quel bonheur quand notre vie est remplie de pleine sécurité. Quel bonheur de terminer sa vie et de parler comme David. Pleine sécurité. Pleine sécurité. Alléluia. Alléluia. Même lorsque les promesses de Dieu semblent traîner de s'accomplir, retiens ceci. Quand ça traîne, attends. Je parle à quelqu'un. Même quand ça traîne, attends. Habacuc chapitre 2, versets 2 à 3. Père Abraham, le patriarche, a connu cela. Il a connu cela parce que il est arrivé aussi à Abraham d'avoir le sentiment que, mais Dieu, tu superposes les promesses. Tu devrais d'abord accomplir ceci, ensuite accomplir cela. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 15, regardez cela avec moi. Alléluia. Dieu promet postérité à Abraham. Il est écrit après ces événements. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Écoutez la réponse d'Abraham. Abraham répondit deux points. Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Bon, nous sommes à Mounigia. Imaginez, Dieu te promet et puis c'est ça la réponse. Tu n'as ni pas ni. Il y a quelqu'un qui sent cela ici dans cette salle. Dieu t'a tellement promis, au point que maintenant, quand les hommes de Dieu parlent, c'est ce genre de réponse que tu as. Moulisha se mamingi mutoke parle. N'est-ce pas? N'est-ce pas que tu dis, mais pasteur, le 31 décembre 2020, de ta bouche là étaient sorties des paroles. Ungalu nataka ce matin. Abraham, hein? Il dit, tu parles postérité, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Et Abraham dit, voici. Tu ne m'as pas donné de postérité. Dieu vient de parler postérité. Toi, tu parles encore pour postérité. C'est quoi ça? C'est quoi même? Alors la parole d'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui, c'est-à-dire Éléazar, qui sera ton héritier. Dis amen. Quelquefois, nous tâtonnons et nous essayons de chercher des solutions lorsque nous pensons que Dieu traîne. Mais Dieu revient et il insiste. En fait, Dieu, il est immuable, il ne change pas. C'est-à-dire, quand il parle, il a parlé. Dites à ton voisin, ce que Dieu t'a dit, il a dit. Ce que Dieu a déjà dit, il a dit. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il dit, telle sera ta postérité. Et Abraham, sa réponse à ce niveau, Abraham crut à Dieu. Et cela lui fit compter comme justice. C'est pour ça, et à partir d'ici, qu'on l'a appelé le père de la foi. Père de la foi. Mais depuis le chapitre 13, Dieu avait déjà promis la chose. Au verset 15, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays, va regarder. Tu avais déjà dit ça, Seigneur. Ça fait plusieurs années. Tu parles encore postérité. Dieu dit oui, j'insiste. Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, oui, j'insiste. ce que j'ai dit, je l'ai dit. Alléluia. Alléluia. Comment Sarah expérimente cela? C'est elle dont il est question. Sarah, tu n'as pas mis au monde, qu'est-ce qui t'arrive? Écoutez, à 90 ans, cette femme, elle déclare au verset 7, verset 6, verset 5. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Verset 6. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Et elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, deux points, Sarah allaiterait des enfants. finissant, quelqu'un parlera comme Sarah. Tu vas faire des louanges sans musique organisée. Qu'importe si tu vas jouer au dièse ou au bémol, comme Sarah, elle parle pêle-mêle. Vous savez, certaines fois, des louanges pêle-mêle sont merveilleuses parce qu'elles viennent du tréfond de notre cœur. Elle dit, qui avait dit à Abraham, mais Abraham hier disait, mais Dieu, tu ne fais que parler, tu répètes les promesses, tu avais déjà dit ça, qu'est-ce que tu me trompes, Dieu? Pendant qu'Abraham, le mari, dit cela, Sarah lui dit, écoute, chérie, on a une petite fille ici, elle est jeune, elle peut te faire des enfants. Qu'elle te fasse des affaires sur ma cuisse, ça va aller. Et Ismaël est né. Et Dieu dit non, non, non. Non. Ce n'est pas ça ma promesse. Quelquefois, nous calculons et nous essayons d'aménager les promesses de Dieu. Nous disons peut-être Dieu voulait dire. Alors peut-être c'est ça ce que Dieu voulait dire. Dieu dit un. C'est avec tes entrailles que mon serviteur aura un fils. Et voici, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaiterait des enfants, cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Alléluia. Amen. Qu'importe le temps que ça a pris, vieillesse ou jeunesse, 10 ans ou 2 ans, 2 ans ou 6 mois, 6 mois ou 2 mois, 2 mois ou 2 semaines de grâces insondables. L'essentiel est que Dieu, même quand il a superposé les promesses, elles s'accompliront. Habakkuk 2, verset 2, il est écrit, si elle tarde la promesse, attends-la, car elle s'accomplira, et s'accomplira certainement. Bien-aimé, que ta vie ne touche pas à la fin avant que tu aies vécu les promesses que Dieu t'a adressées. Et je prie, à cause de mon alliance avec Dieu, que tu ne mourras pas avant de vivre les paroles sorties de la bouche de l'Éternel. Et qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Allons dans notre texte de base, 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel, chapitre 23, verset 1 à 5. Et nous levons pour lire cela. Levons-nous, s'il vous plaît, là où vous êtes, derrière, à Ewabora. Levons-nous. Nous lisons solennellement ce texte qui va nous conduire durant les 2 semaines. Nous allons lire ensemble. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt? On y va. 1, 2, 3. Voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils d'Isaïe, virgule. Parole de l'homme replacé, virgule. De loin du Dieu de Jacob, virgule. Du chantre agréable d'Israël, point. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de la terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglé et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut? Aïe. S'il a fait ceci, voici, je suis à la fin de ma vie. Voici, j'ai vieilli. Il a dit dans un psaume, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu les justes abandonner ni mendier son pain. Tu as raison, David. C'est vrai, David. Il dit, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a fait que cela soit possible? Qu'est-ce qui a rendu possible, David, que tu parles comme cela? Vous lirez aussi le chapitre 22, cette chanson composée par David. Je ne pense pas qu'il est entré en laboratoire pour composition. Je crois que c'est pêle-mêle qu'il parle. Qu'est-ce qui a rendu cela possible? Mon alliance avec Dieu, en tout point bien réglé. Et sécurité de ma réussite dans la vie. J'ai eu avec l'Éternel une alliance bien réglée, une alliance en tout point, pas une alliance dans un seul domaine, une alliance en tout point, mais pas pêle-mêle, bien réglée. Bien réglé. Asseyez-vous devant le Seigneur. Une alliance bien réglée. Alléluia. Alléluia. Jérémie chapitre 33. Jette un coup d'œil aussi en cela. Jérémie 33 verset 18 au 19. Regardez. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour ne soit plus, la nuit ne soit plus, alors aussi mon alliance sera rompue avec David. Vous savez, quelquefois Dieu se coince dans ses promesses avec nous. Est-ce que quelqu'un me capte? J'ai dit quelquefois Dieu se coince lui-même. Il prend le soleil à témoin. Il prend la nuit à témoin. Il dit, j'ai conclu alliance avec David. Pour que cette alliance soit rompue, soyez capable de rompre la présence du jour et la présence de la nuit. Or, quand est-ce que la présence de la nuit et du jour s'arrêtera? À la fin. C'est même pas à la fin de la vie de David. Mon alliance avec Dieu en tout point bien réglé. Ne veux-tu pas cela? David, tu es à la fin de ta vie. Tu veux nous livrer le secret. Voici ce qui a fait de moi le grand roi d'Israël. J'ai eu une alliance avec l'Éternel. Une alliance éternelle. En tout point bien réglé. Il n'y avait pas d'entorse, il n'y avait pas de couac, il n'y avait pas de gars, il n'y avait pas de choses contraires. J'avais une alliance avec l'Éternel en tout point bien réglée. C'est ça qui explique la fin de ma vie, dans toute cette ampleur, la fin de ma vie, dans toute cette gloire-là. Vous voulez ça? Oui. Vous voulez une fin glorieuse? Vous voulez une fin en tout point réglée? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alliance avec l'Éternel. Buona sifu. Abordons en introduction notre premier chapitre. Comprendre une destinée réussie ou vers une destinée réussie. Je vous ai dit que Dieu, depuis le commencement, mijotait un rêve divin, un rêve pour lequel il voulait lui-même devenir un homme. On en a parlé dans la conversion des hommes. Il voulait créer un être spécial sur la terre qui va être son extension, une extension divine sur la terre. Et cette extension n'ayant pas marché, c'est-à-dire ayant estimé qu'il ne pouvait pas lui-même, Dieu, en tant qu'immuable, inchangeable, il ne peut pas changer pour devenir un homme, il a créé un être qu'il a élevé dans son rang, en le créant à son image et selon sa ressemblance. Et cet homme, c'est toi et c'est moi. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai? Regarde à côté de toi, est-ce que c'est ça? C'est ça? Tu es la ressemblance et l'image de Dieu? C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ok. Dieu, c'est cela ton rêve? Il dit oui. Et Jésus, plusieurs siècles après, vient sur la terre, son Fils unique, pour essayer de nous démontrer ce qu'était l'idée de Dieu au commencement. Il dit, j'envoie mon propre Fils, et ce Fils va aider à vous montrer ce que je voulais dire. Et dans Hébreux 1, 3, il est écrit, ce Fils, par lequel Dieu est venu se révéler aux hommes, il est l'expression de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Jésus, nous l'avons vu et vécu sur la terre, en tant que l'expression de la gloire de Dieu et l'empreinte, le cachet de la personne de Dieu, la touche de la personne de Dieu, l'empreinte de sa personne. Comme pour dire, écoutez, chers êtres humains, voici, regardez-moi, soyez mes imitateurs, venez à la stature parfaite de moi, Christ, et vous allez accomplir le rêve de Dieu. Et sur la terre, Dieu va se sentir à l'aise d'opérer par vous, d'agir par vous, d'opérer, de réaliser des choses sur la terre, en tant que Dieu met à l'intérieur d'un être humain, d'une femme et d'un homme, d'un jeune, d'un enfant, d'un vieillard, à l'intérieur d'un être humain, on va repérer la divinité. On va repérer les traces de Dieu. On va constater que c'est vrai. Dieu est vrai. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Mais le règne là va venir comment? Dans l'atmosphère? Non, dans un homme, dans une femme. Il dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est comment ça va se passer? C'est dans les arbres ou dans les lacs? Il dit non, par vous. C'est-à-dire, je veux que votre vie réussisse. Je veux que votre destinée soit cet instrument qui révèle Dieu. Cet instrument qui fait manifester Dieu, qui fait transparaître Dieu. Cet instrument auprès de laquelle les êtres humains viennent, les créatures viennent et rencontrent Dieu. Ils rencontrent Dieu. On chante. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. La montagne, c'est toi. Dis-le à ton voisin, la montagne, c'est toi, en fait. Il faut, il est écrit, que les créatures soupirent après la manifestation des fils. En fait, les créatures veulent aller sur la montagne. Il y a 1000 montagnes ici. Tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont besoin de rencontrer Dieu, mais ça sera au travers d'un être humain qui est rempli de Dieu. Et cette semaine, c'est ça le travail. Seigneur, je veux te remplir de toi. Seigneur, je veux apprendre comment tu viens et tu remplis un homme. Je veux apprendre et comprendre comment, par moi, les malades peuvent guérir, les boiteux peuvent marcher, les paralytiques vont marcher, etc. Comment les captifs peuvent sortir de la captivité? Je veux voir comment tu fonctionnes, mais voici Seigneur, je suis disposé. Je suis disposé. Seigneur, je suis disposé. Que ta divinité vienne en moi. Que ta vie vienne en moi, que ta présence vienne, que ta puissance vienne en moi. Il ne s'agit pas simplement de ce qui est devenu comme péjoratif. Nous allons être baptisés du Saint-Esprit, et puis les gens tremblent, et puis les gens culbutent. Écoutez, si c'est juste ça, Dieu, alors c'est trop insuffisant, non? Vous verrez Dieu, oui, juste parce que les gens tremble, c'est plus que cela. Dieu est plus que cela. La plénitude de Dieu en un homme, en une femme, c'est une révolution. Ça affecte la société, ça affecte les circonstances, ça affecte l'entourage, ça affecte les esprits. Ça affecte la sorcellerie, ça affecte même les royaumes. N'a-t-il pas dit, à cause de toi, je donne des hommes à ta place. Ah. Et des peuples pour ta vie. Seigneur, moi qui, un petit estone, Dieu doit donner une nation pour moi. Quoi? Moi qui, quoi là? Il faut qu'il y ait Dieu en moi pour que cette parole s'accomplisse. Est-ce que c'est comparable même? Pour que Dieu considère que ma vie est tellement importante afin qu'il pose des actes terribles comme ça, qu'est-ce qu'il y a en moi? Et comment ça doit y arriver? Comment on fait? Qu'est-ce que je vais faire? Nous avons 2 semaines pour ça. Alléluia. Nous avons 2 semaines, frère. Il faut que quelqu'un expérimente la plénitude de Dieu. La plénitude. L'apôtre Paul renchérit la parole de Christ, quand il dit dans 1 Corinthiens 4:1, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Où trouver ces mystères? Je vais dispenser les mystères, je les trouve où? Je les ai où? Elles sont où les mystères? Il faut les avoir. Et ça vient par la plénitude de Dieu en nous. Il faut que Dieu vienne s'installer dans ma vie. Alléluia. Et dans 1 Pierre 4:10, il est écrit comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alléluia. Prenons le premier sous-point. Le temps est fini. Laisse-moi vous dire juste une pensée Si ce premier sous-point, nous parlons de comprendre une destinée réussie. Et pour comprendre une destinée réussie, nous devons comprendre l'essence d'une destinée réussie. La réussite peut être comprise à deux sens, le sens humain et le sens biblique. Et à partir de demain, nous allons partir de là. La réussite, c'est quoi? Tout le monde, vous avez une définition sur la réussite. Mais qu'est-ce que c'est que réussir vraiment? Ma destinée a réussi, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai acheté une voiture, donc j'ai réussi dans la vie. J'ai construit une maison, donc j'ai réussi dans la vie. C'est ça. Qu'est-ce que signifie réussir? J'ai eu un bon emploi à la Monisco. C'est quoi? Réussir? Je viens d'avoir la carte verte pour devenir américain. J'ai réussi dans la vie. J'ai un poste de ministre. Plus grand encore, ministre d'État. C'est ça réussir? J'ai réussi. J'ai une grande église de 3000 personnes. Qu'est-ce que c'est que réussir? Et si réussir n'est pas une question de points, j'ai posé un point de réussite et puis un point de réussite. Si réussir dans le regard destiné, c'est plus fort. Une destinée réussie. C'est-à-dire un parcours de A à Z, un parcours depuis le commencement jusqu'à la fin, au soir de ma vie, qu'est-ce que je dirais? Parlerai-je comme David? Et qu'est-ce qui peut m'aider? Une alliance en tout point bien réglée et portant pleine sécurité. Lève-nous, on va prier. On continue demain à 15h sur le sujet. Nous nous levons et nous introduisons notre prière. Si vous avez préparé vos requêtes, pendant que nous faisons cette coupe de prière, vous déposez les requêtes dans ces baskets ici. Il y a un panier de requêtes ici. Pendant que nous prions, tu peux apporter et à la fin, je vais prier pour cela. Alléluia. Mais j'aimerais que chacun introduise sa prière de grâce et son humble maintenant. Tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu de tes requêtes. Mais la bonne introduction, c'est, je l'ai dit, les actions de grâce. La reconnaissance. Dire merci à Dieu. Depuis janvier, Seigneur, qu'est-ce que j'ai vécu? Commence à parler à Dieu. Commence par l'introduction. Commence par un dialogue, par la fin, par la conclusion. Commence par l'introduction. De reconnaissance. Commence à parler. Introduis bien les grâces et son âme. Introduis bien tes requêtes. Quelque part à Dieu. Parlons à Dieu. As-tu un cœur reconnaissant? C'est ça que Dieu aime. C'est ça que Dieu aime. Jours. mes élévations multiples. Parle à Dieu, parle à ton Père. présentant ta requête avec moi devant le Seigneur. Nous prions. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je suis venu dans ce programme des grâces descendables avec foi, car tu as été fidèle pour moi jusqu'ici. C'est pourquoi j'ai cru à toi et je compte sur toi pour les requêtes que je viens d'exprimer. Exauce-moi et écoute-moi. Avant la fin de ce programme, montre-moi ta face, rencontre ma demande et exauce-moi. Au nom de Jésus-Christ, laisse-moi prier pour toi. Père céleste, dans le nom de Jésus de Nazareth, je viens présenter ces requêtes devant ton trône. Attends que ton serviteur, au nom de ton alliance avec moi, je te prie d'exaucer chacun. Et les requêtes qui vont être déposées après. Et je prie, Seigneur, pour chaque personne et chaque famille représentée ici, dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu qui a été fidèle à David, et qu'il pouvait parler à la fin de sa vie de la sorte. Je déclare que l'exaucement que tu as accordé à David est transféré à chacun de nous ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. David avait dit, il a été jeune, il a vieilli. Il n'avait pas vu un juste abandonné ni mendiant son pain. Je déclare que quiconque est venu s'exprimer devant toi durant ces deux semaines ne mendie plus jamais son pain, au nom de Jésus-Christ. Qui ne mendie plus jamais sa santé, au nom de Jésus. Qui ne mendie plus son foyer, au nom de Jésus. Qui ne mendie plus sa profession, au nom de Jésus. Que le trône de Dieu soit ouvert sur chacun de nous, et que les requêtes exprimées rencontrent ton assentiment et soient exaucées à partir de maintenant. Et nous les verrons s'accomplir. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi.